Micro ouvert. Quatrième partie de ce sommet européen citoyen, réalisé par des gens, pour des gens, tout simplement, on va dire ça comme ça. On peut y entendre Anne-Emmanuel Bourgaud, Arnaud Janssen, Jean-Luc Gala, Jean-Marie Soyer, Marcel Dopagne, Alain Fillon, Senta De Peut, Isabelle Duchâteau, Nicolas Lefebvre et j'ai oublié aussi Marie-Laure Béraud. Si vous voulez bien comprendre ce sommet citoyen européen, tapez sur Internet. Si vous voulez écouter, il y a moyen, vous tapez microouvert.be parce qu'il y a la première partie qui reprend un peu plus calmement toute cette initiative. C'est parti. Dans ce micro, on démarre sur la parole des gens, du public. Et puis, avec Jean-Pierre Gala, on entend aussi Senta De Peut. Et on entend aussi Marie-Laure Béraud, mais que j'ai coupé. Je n'ai pas écouté parce qu'elle lisait un texte, en fait. Voilà, ce n'était pas très... moi j'aime bien quand ça parle, quand ça parle quoi, pas qu'on lit un texte. Mais ça n'empêche, hein, Marie-Laure Béraud, vous savez, c'est la dame qui a lancé une pétition sur Internet contre la 5G et puis qui a disparu du réseau en fait, voilà. Elle raconte un tout petit peu ça, mais ça pourrait, ce que je veux dire, ça pourrait être une idée d'en parler plus longuement et en vis-à-vis avec elle, hein. Mais avant... On écoute Anassé Kazib. C'est pas très grave. Enfin, de toute façon, ça va pas nous empêcher, nous, de lutter contre le pouvoir en place et de lutter contre cette réforme, cette loi, en tout cas, qui vise à réformer les libertés, notamment d'information et autres, parce qu'on considère que c'est une loi autoritaire et qu'elle elle a rien à faire, en fait, aujourd'hui, sinon à montrer que le gouvernement, il est en train de se préparer, en réalité, à l'affrontement. Et c'est ça, la réalité. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas sorti du contenu. On a beaucoup parlé de liberté de la presse, comme si c'était un problème de liberté de la presse. C'est pas un problème de liberté de la presse. C'est un problème de liberté d'une certaine presse, et notamment une presse indépendante comme Révolution Permanente, Street Press, Là-bas, si j'y suis, et plein d'autres, en fait. Parce que vous doutez bien que Ruth Elkrief, elle en a rien à foutre demain de pouvoir filmer ou non les violences policières. Elles les ont jamais filmées, ces gens-là. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi la presse bourgeoise et les grands papes de l'information, comme on dit, s'intéressent pas à cette loi-là? Parce qu'ils en ont rien à faire. Ce n'est pas leur objectif. L'objectif des médias bourgeois, c'est de pouvoir transmettre la parole de l'État bourgeois, la parole de cette République bourgeoise. C'est pour ça que souvent, ils invitent uniquement les mêmes députés, les mêmes parlementaires et autres. Ils invitent jamais, comme nous on peut le faire sur Révolution Permanente et d'autres médias indépendants, les militantes et les militants de terrain, en fait, les personnes en grève et autres, les personnes qui luttent. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de dire. Et non pas, moi je pense que ça serait une erreur de faire croire que la presse serait un bloc monolithique, en fait, qui irait de Tahabouaf à Pascal Praud. Non, Tahabouaf, c'est Tahabouaf. Pascal Praud, c'est Pascal Praud. Peut-être ils font de la presse les deux, mais il y en a un pour qui l'intérêt, il est de montrer celui des prolétaires, celui d'en bas, comme t'as le fait, comme il a pu montrer Ben Ala et autres, et comme on peut le faire sur Révolution Permanente, en essayant de donner la parole à celles et ceux qui sont réprimés. Et puis il y a des Pascal Praud qui en ont rien à foutre, qui au contraire considèrent que parfois les CAF, ils devraient même tirer à balles réelles, comme avait dit Zineb El Razoui sur CNews. Et c'est ça qui manque, je pense, dans les prises de parole. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui ne vient pas dans ces prises de parole-là. C'est de demander à la police de sortir de nos syndicats. Parce qu'il y a beaucoup de paroles syndicales, mais il n'y en a aucune qui assume aujourd'hui de dire, malheureusement, que cette loi-là, ces amendements-là, ils viennent aussi des organisations syndicales en premier lieu et des organisations syndicales policières. Nous, on le dit, on le répète, le syndicalisme, il vient de la chaleur des usines. Il vient dans une époque où, notamment, il y avait des gamins de 7 ans, 8 ans qui travaillaient dans la métallurgie et autres. Le syndicalisme, il a été là pour lutter notamment contre le pouvoir. Il n'est pas là pour pouvoir défendre celles et ceux qui disent bico, celles et ceux qui autorisent la clé d'étranglement ou ceux qui vont demander plus de moyens, plus de balles de LBD pour pouvoir réprimer. Et c'est dommage, en fait, qu'on le dise pas, ça. Parce qu'aujourd'hui, le syndicalisme de police, il demande même pas des augmentations de salaire, il demande pas spécialement ça. Sa préoccupation, c'est de savoir, dans la prochaine phase de lutte de classe, quand ça va exploser, parce que on fait tous la même litanie, c'est-à-dire on dit tous, il y a 800 000 chômeurs de plus, il y a 1 million de personnes en plus qui viennent basculer sous le seuil de pauvreté, mais pour nous, c'est pas des calculs, c'est pas un tableau Excel, en fait, pour donner des chiffres et suivre des statistiques, c'est quelque chose d'éminemment politique, et ils le savent, le pouvoir. S'il y a 2 ans, ils ont connu le mouvement des Gilets jaunes, alors qu'on n'était pas dans cette situation de crise sanitaire, ils savent très bien que demain, ils vont avoir un mouvement de masse qui va sortir dans la rue. Moi, je fais pas de la politique de la boule de cristal, mais ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès maintenant, quand ils ont vu l'histoire et comment les images ont été importantes et centrales pour le soutien au mouvement des Gilets jaunes, et notamment toutes ces images-là de violence policière, ils savent que demain, ça va être primordial dans une lutte de classe importante, en fait, que demain, les policiers qui vont réprimer, peut-être même tirer cette fois-ci à balles réelles, ne soient pas filmés, ne soient pas identifiés. C'est ça ce qui est en train de se jouer. Ce n'est ni une histoire de la presse, ni une histoire des libertés d'expression ou quoi que ce soit. C'est comment on va armer et comment on va armer notre institution policière pour pouvoir lui garantir la possibilité de réprimer demain les gens qui vont militer, qui vont faire grève et qui vont se battre. C'est ça la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est dommage, en tout cas, on n'a pas pu le dire. Enfin voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a eu énormément de monde. Je pense qu'il y a énormément de gens qui militent et qui font en sorte de faire retirer cette réforme. Et puis c'est dommage parce que la camarade de Attac, elle a pas voulu que Révolution Permanente ne parle. Donc voilà, ils ont inscrit toute la planète Terre, mais Révolution Permanente, qui fait 3 millions d'entrées chaque mois sur le site internet, qui donne la parole aux gens du terrain, il est refusé par la présidente de Attac. Et en tout cas, qu'elle le sache, Anas Kazib, il s'en rappellera, et moi je lui ferai payer sur nos alliances et sur les fois où en fait on donne la parole à Attac, les fois où on milite avec eux, les fois où on leur donne aussi la parole, et que nous, quand on vient, on veut prendre la parole en tant que média qui, ça fait 5 ans qu'il existe, ça fait 5 ans qu'il est sur tous les fronts, dans l'ensemble des manifestations, dont certains militants prennent même des coups. Ils prennent des coups devant les dépôts de la RATP, ils prennent des coups devant les dépôts de la SNCF. On n'a même pas le droit de parler dans une loi qui concerne la presse et qui nous concerne nous, et qui demain fera peut-être que si Révolution Permanente monte une image d'un policier qui réprime, eh ben peut-être on fermera et on dissoudra notre site internet. Et nous, on veut pas nous laisser parler. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, on continuera. Et je voulais te demander un petit message pour la jeunesse, parce qu'il y avait énormément de jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui aujourd'hui sont hyper en colère contre cette loi, mais ce qui leur manque, c'est des perspectives en fait. Il y en a certains qui se demandent, est-ce que la solution c'est 2022? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse qui aujourd'hui nous fait un bien fou, qui s'exprime, qui vient avec des pancartes? Franchement, j'ai jamais vu une jeunesse aussi politisée, qui s'est mobilisée contre les violences policières, contre le racisme, et aujourd'hui qui est dans la rue. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à cette jeunesse-là? Bah, je pense que cette jeunesse-là, elle est dans une période avec laquelle même ma génération, moi je vais avoir 34 ans, où on est dans une période où jamais on aurait cru qu'on allait vivre ça. On pensait que c'était les questions d'épidémie, les questions de crise et autres, c'était pour une génération passée. Aujourd'hui, on voit à quel point en fait on est face à cette crise qui est profonde, qui est internationale et autres, et que en fait on est aussi non pas uniquement face à cette crise, mais face aussi à la gestion catastrophique, sinon criminelle, d'un pouvoir en place en réalité. Et on voit à quel point Emmanuel Macron et le macronisme, c'est un échec total. Il y a 3 ans, on nous disait Macron, c'est le nouveau monde face à l'ancien monde. C'était le gars qui allait faire en sorte que le chômage allait passer sous la barre la plus minimum, etc., qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans les rues. La réalité, on voit à quel point le macronisme, c'est un échec total. C'est-à-dire déjà qu'on peut le féliciter, on peut lui donner 2-3 bons points. Le premier, c'est d'avoir fait en sorte que les gilets jaunes existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir fait en sorte que la réforme des retraites et cette grève qui a duré plus de 60 jours, il a permis de battre le record de grève sous son quinquennat. Et la troisième chose, c'est ces mouvements, notamment des quartiers populaires et notamment à l'initiative du comité Adama, que ça soit devant le TGE, devant la place de la République, qui ont rassemblé des milliers et des milliers de jeunes pour dénoncer le racisme d'État et les violences policières. Et en tout cas, pour ça, c'est des bons points. Merci à Emmanuel Macron d'être ce qu'il est, pour pouvoir nous permettre de lutter et de faire en sorte que ce spectre de la révolution y revienne. Mais maintenant, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on se coordonne et qu'on décide de prendre la question à bras le corps. C'est ça là, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas de penser qu'en faisant des amendements, en faisant des textes de loi, en essayant de proposer des motions de censure ou quoi que ce soit, qu'on va pouvoir s'en sortir. On le dit, on le répète, cet État, c'est un État bourgeois dont les institutions, elles sont coercitives, elles sont au service d'une classe dominante et dirigées par une classe dominante. Ni plus ni moins. Ce ne sont pas des prolétaires qui sont en train de diriger au Parlement. Ce sont des bourgeois, ni plus ni moins, et qui font la politique de la bourgeoisie. Je donne un exemple. Pendant qu'il y a 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté, ils ont sorti une ordonnance Covid au mois de mai, qui s'appelle également ordonnance effet d'aubaine. Les patrons, en fait, ils se servent de cette ordonnance-là pour pouvoir liquider les dettes de leur entreprise et se porter acquéreur. Un exemple très simple, le patron d'Orchestra, c'est les habits de vêtements pour enfants. Le patron d'Orchestra, Pierre Mestre, il avait 690 millions d'euros de dettes. 690 millions d'euros de dettes. Il utilise cette ordonnance Covid, il liquide son entreprise, il se porte quelques semaines après devant le tribunal de commerce, seul acquéreur de son entreprise, il la récupère en supprimant 1000 emplois et en récupérant son entreprise avec zéro dette parce qu'il les a fait liquider grâce à cette ordonnance-là. C'est ça le pouvoir bourgeois, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que les précaires, ils perdent leur emploi, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas remplir leur frigo, et de l'autre côté, des milliardaires, des millionnaires qui au final profitent de la situation pour pouvoir faire encore du dumping social et essayer d'arnaquer partout où ils ne peuvent pas arnaquer. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent même à arnaquer dans des périodes de crise. Donc c'est ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est pas, il ne faut pas avoir que cette loi-là. Il faut voir l'état aussi des services publics, du service public hospitalier. Il faut voir l'état notamment de l'économie, l'état de notre travail, etc., qui au final est dégradé partout. Les gens voient à quel point c'est une galère sans précédent aujourd'hui de pouvoir vivre, travailler. Et c'est ça ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui. On doit lutter réellement. On doit lutter réellement pour pouvoir retourner la table définitivement, en fait. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Il y avait la réforme des retraites, il y avait la réforme de l'assurance chômage. Là, il y a une nouvelle texte de loi pour interdire de filmer. Ils vont jamais s'arrêter, en fait. Si on décide pas de les arrêter, ils ne vont jamais s'arrêter. Moi, je le dis et je le répète, si notre avenir, c'est Macron ou Le Pen en 2022, eh ben, c'est vraiment un avenir de merde. Il va falloir faire en sorte que dès 2021, il y ait une lutte de classe sans précédent. Et moi, j'espère, et j'ai pas honte, on est militants révolutionnaires, on espère qu'il y aura la révolution définitivement dans ce pays. Et c'est ce dont on a besoin, pas de cette poignée de parasites, mais on a besoin, nous, de retrouver notre liberté, de penser, de réfléchir et de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos entreprises, qu'est-ce qu'on fait de notre économie, quel avenir on offre à nos enfants. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de savoir ce que Macron demain, il va faire ou pas faire, ou ce que Castex va annoncer. Voilà, merci. On va peut-être encore prendre trois mini-questions. D'accord. Après ça, il faut qu'on vous laisse manger aussi. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Moi qui suis quand même journaliste et qui suis aussi tout ce qui se passe, le discours, les deux discours, les différents discours dans le domaine médical, scientifique, les articles, etc. Ce que j'ai envie de dire, c'est que votre point de vue, qui est très complexe sur beaucoup de questions et personnel, est fondé sur, à la fois sur vos observations, mais aussi sur les informations qu'on vous transmet par le Céléval, par les chiffres qu'on vous donne, etc. Voilà, il y a beaucoup d'autres médecins qui ne sont pas d'accord sur différents points. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important que le débat puisse avoir lieu. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas d'accord sur l'utilité des masques, même pas. Par exemple, moi, j'ai une des très rares études sur l'efficacité des masques en tissu, qui démontre qu'elle est négative. Donc faisons des débats sur dans les études qui sont proposées par les comités d'experts sur l'efficacité des masques. C'est l'efficacité des masques par rapport à qui? Il faut voir aussi par rapport à quel type de virus ou de bactéries. Vous savez bien que c'est pas la même chose. Moi, j'entends beaucoup qui disent que vraiment en ce qui concerne les virus, les masques ne sont pas efficaces, ils peuvent l'être pour d'autres choses, mais pas pour ça. Aucun. La seule chose qui est efficace, c'est les espèces de combinaisons de cosmonautes. J'entends bien ce que vous dites, mais je peux vous trouver des dizaines de médecins et des dizaines de scientifiques et des dizaines d'études qui vont dire l'inverse. Donc, je suis juste là. Je ne suis pas là pour vous dire vous avez raison ou vous avez tort. Je suis là pour dire il y a des points de vue qui s'opposent. Malheureusement, on n'a pas de plateforme de débat. Dès qu'un scientifique qui a des compétences, égales aux vôtres, ou dès qu'un médecin qui a des compétences égales aux vôtres, dit quelque chose qui dérange ce qui est annoncé par les experts et les médias, tout simplement, du jour au lendemain, ça devient des complotistes. Les centaines de publications, etc., ils perdent tout du jour au lendemain. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que ces débats puissent être tenus dans les milieux académiques, dans les milieux scientifiques, dans les comités d'experts, comme vous dites vous-même. Il n'y avait pas de médecin de terrain, il n'y a pas d'urgentiste. C'est pas normal. On ne peut pas se baser que sur des papiers avec des statistiques. Je voudrais bien que ces débats puissent avoir lieu. Je ne suis pas là pour vous dire vous avez tort ici ou là, ou je sais mieux que vous, c'est pas ça. Mais ce que je dis, c'est que je peux sortir des dizaines d'exemples de médecins qui ont des opinions contraires sur certains sujets. Voilà, et que c'est ça qui est important. Moi, j'ai une question. Alors, je suis juste une ménagère. Voilà. Alors, je suis pas honteuse de l'être. Juste, vous mettez un masque, c'est très bien. Oh, et plein de virus maintenant. Alors, partageons-le. Allez, hop là. Très important, ça. Deuxième question, moi j'aimerais savoir votre position sur le vaccin. La personne qui a posé la question. Merci. Très rapidement pour votre position, je suis entièrement d'accord. Le débat à l'heure actuelle n'a pas lieu parce qu'il se fait normalement dans nos cénacles scientifiques, dans ce qu'on appelle des workshops, dans des meetings scientifiques, dans des publications où on discute de nos discordances de manière élégante, courtoise, polie, ce qui n'a pas toujours été le cas, vous l'avez vu, même ici dans une assemblée citoyenne. Et donc, nous devons maintenant reproduire ce débat sur la place publique, ce qui n'est absolument pas l'endroit adéquat, mais on ne nous laisse pas le choix, parce que nous n'avons pas d'autre place pour débattre. Et donc, bien évidemment, les plateaux de télévision sont le pire endroit pour débattre, parce que je ne vous cacherai pas que nous sommes le jouet des journalistes qui se mettent souvent en vedette eux-mêmes. Les journalistes n'en ont absolument rien à voir de ce que nous on dit. D'ailleurs, ils nous coupent sans arrêt. Hein, quand faire une émission célèbre d'il y a une semaine, où on se fait agresser et où finalement on est le jouet du journaliste. Donc c'est un très mauvais endroit et c'est une leçon que j'ai apprise avec ma grande naïveté. N'allez plus sur les plateaux TV, sauf si vous avez un journaliste professionnel devant vous, que les règles du jeu sont très claires et qu'il va vous laisser expliquer des idées qui sont parfois complexes, avec les mots les plus simples possibles. Pour ce qui était l'autre aspect... En fait... Oui, on va parler des vaccins. Donc les vaccins, très difficile de vous dire ce qu'il en est, puisqu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. En fait, il y en a plein, et c'est la course au commerce, et chaque grande firme, Pfizer, Johnson & Johnson, GSK, etc., va vous dire « on a un vaccin ». Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont un candidat vaccin, mais ces vaccins n'ont pas encore nécessairement été, n'ont pas encore nécessairement montré leur efficacité. Alors, au niveau des vaccins, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. On pourra juste parler des vaccins quand ils seront réellement administrés et qu'on verra s'ils sont efficaces ou pas efficaces. Mais pour l'instant, c'est très, très difficile d'aller plus loin dans cette appréciation. Alors, ce sera la dernière. Alors, je vais essayer d'être court et précis. Je suis pas médecin, mais citoyen, et j'estime devoir comprendre, parce que c'est important. Et donc, moi, je me suis promené sur Internet et sur le site de Censano. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que le Covid, en mars-avril, créait, si je me trompe, de mémoire, plus ou moins 300 morts par jour. 400. On en est à 20 aujourd'hui, alors que... oui, justement, c'est de la semaine dernière, effectivement. Peut-être 30, ok. Et quand on voit, en tout cas, les courbes, je suis peut-être trop près, les courbes, ça monte très, très fort. Les courbes de cas aussi. Les courbes d'hospitalisation montent aujourd'hui un tout petit peu. Hein, puisque, en fait, on vous avait expliqué qu'on veut laisser la place aux autres malades, ce que je comprends, ok. Mais les courbes de décès n'augmentent pas du tout, du tout. Et j'ai regardé au niveau statistique, au niveau national, le nombre de morts en moyenne par jour en Belgique est de 300. On parle de 30. C'est de l'ordre de 70 à 80 pour les cancers par jour, en temps normal, et de 70 à 80 pour les cardiovasculaires. Donc si vous voulez, je me dis, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose où les mesures sont en proportionnalité avec le réel danger pour la population? Et deuxièmement, c'est quoi ce découplage aujourd'hui, à votre avis? Pourquoi est-ce que le Covid devient beaucoup plus inoffensif? Est-ce que c'est parce qu'on le soigne mieux? Est-ce que parce qu'il y a une forme d'immunité qui s'est installée? Enfin, c'est vraiment ça, pour moi, la question pour laquelle je me suis déplacé. Merci. Mais vous la reposerez après. Vous avez, je vous remercie pour vos remarques, elles sont extrêmement pertinentes. Les deux questions sont essentielles. Les deux questions sont essentielles. Alors, pour ce qui est des chiffres que vous citez, vous avez raison, la mortalité est très basse, la sévérité est très faible et la situation actuelle n'est pas à comparer à mars-avril. C'est votre première remarque et vous l'avez très bien commenté par les chiffres de Science Sano que manifestement vous avez bien regardé. Notre problème n'est plus le Covid à l'heure actuelle, notre problème est la gestion de lits d'hôpitaux. Comme je l'ai dit au début, certains hôpitaux sont sous tension et vont devoir clôturer l'activité médicale normale, donc soigner des gens qui ne sont pas Covid, reporter des hospitalisations, reporter des soins à des patients cancéreux, parce que tout simplement, ils n'arrivent plus à faire les deux choses à la fois. Soigner les Covid, même s'ils ne sont pas hyper sévères, et soigner les gens normaux. Donc le problème du Covid à l'heure actuelle n'est plus le Covid. Le virus tuait en mars-avril, comme je l'ai dit, dans une formule lacunaire que vous retrouverez sur Internet. En mars-avril, le virus tuait. Maintenant, le virus circule. C'est différent, hein, comme impact. Mais néanmoins, nos hôpitaux sont sous tension. Donc tout ce que vous dites est vrai, mais les mesures sont prises, pas contre le Covid, mais pour protéger le système hospitalier. D'où la nécessité de faire des transferts, d'où la nécessité de peut-être de demander à des infirmières. Vous savez, les études d'infirmières ont été allongées d'un an. Et ça, c'est un manque de peau. Allonger des études d'un an au moment d'une pandémie ou juste avant, ça veut dire quoi? Que pendant un an, vos infirmiers ne sortent plus. Juste au moment où vous en auriez besoin. Donc il faut les réquisitionner comme on fait en médecine de guerre. On dit aux troisièmes années, ben, vous venez et vous travaillez en hôpital pendant 6 mois, comme on l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a fait pendant la Première Guerre mondiale. Si c'est un problème de salut national, allons-y. Les infirmières de troisième année, elles sont déjà formées, on leur donne une formation accélérée Covid et elles renforcent le staff qui est déficient. Mais ça, c'est une mesure de gestion de crise. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure mesure, mais je dis qu'à tout le moins, c'est une mesure qui pourrait être prise. Et votre deuxième question avait trait à... Oui, mais donc pourquoi est-ce qu'il tue moins en fait? Peut-être qu'il devient, c'est, il n'est plus mortel. Donc le virus à l'heure actuelle a décimé, faut le dire malheureusement, a décimé les gens les plus fragiles à une période où ces gens n'étaient pas du tout protégés. Donc les hommes ont subi un choc monstrueux. Dans les hommes, on a tué vraiment beaucoup, beaucoup de personnes dans les homes par non-préparation, par non-connaissance, par manque de précaution, par manque de formation et... Pardon ? Ben voilà. Donc, tous ces gens qui sont morts, je ne vais pas vous surprendre, ne vont pas mourir une deuxième fois. Hein, ils sont morts, ils sont morts. Donc maintenant, ce qu'on voit dans les hôpitaux, c'est des gens âgés qui ont été infectés par des jeunes... circulation du virus chez les étudiants, chez les enfants, hein, les pédiatres qui vous disent que les enfants ne sont pas contaminants, je ne sais pas où ils ont été voir ça, mais il faudra qu'ils refassent leurs études. Mais donc ça veut dire que la moyenne d'âge, même chez les personnes âgées en hôpital, elle est de 5 à 7 ans plus jeune. Est-ce que c'est parce que le virus a changé? Non, c'est parce que les plus âgés sont morts. Les plus âgés sont morts. Et donc, peut-être que le virus est moins sévère, mais ça, je ne peux pas m'avancer là-dessus. On a des études qui suivent. Le virus mute tout le temps, comme le virus de la grippe. Donc, je ne peux pas vous dire que ces mutations-là n'ont pas d'effet. Quand je dis « je ne peux pas vous le dire », c'est que je n'en sais rien à l'heure actuelle, mais c'est une question qu'on étudie. Peut-être que dans 3 mois, je viendrai et je vous dirai « les mutations font en sorte que le virus est de moins en moins sévère ». Mais peut-être que ce sera l'inverse. Donc je vous dis à l'heure actuelle, droit dans les yeux, oui, on étudie, oui, c'est une bonne question, et non, je n'ai pas de bonne réponse pour l'instant. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que le docteur Gala a dit. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que le docteur a dit, tout à fait. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que... on a toujours tendance à être divisé, comme ça a été mentionné par Anne-Emmanuel ce matin. Ça permet de régner, ce qui paraît. Je vois que on connaît tous des médecins qui ont désobéi aux ordres de l'ordre des médecins. Heureusement, ils se sont pris du plaquenil eux-mêmes et ça leur a permis de rester en vie et de nous soigner. Donc on a peut-être tous intérêt à nous parler et à parler tout court aussi. À savoir, on n'a pas assez entendu les citoyens et les médecins sont peut-être trop disciplinés aussi. Peut-être qu'il ferait bien de se faire plus entendre aussi. On peut se rencontrer, on ne sera pas d'accord sur tout. On ne sait pas se faire entendre. Vous savez que pour l'instant, je suis censuré par toute une série de grands médias. Nous aussi. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais vous les connaissez. La seule chaîne qui, est maintenant, nous laisse encore le temps de nous expliquer, c'est LN24. Donc, un conseil de citoyens, si vous voulez emmerder tous ces journalistes qui se mettent en vedette au lieu d'écouter les médecins, ils ont regardé leur audimat, fermez votre TV à l'heure des émissions. Merci beaucoup, docteur. On va rendre le docteur à sa femme parce que c'est l'anniversaire de Madame Gala aujourd'hui. Et le docteur a remplacé très gentiment le professeur Latter, qui était prévu, mais qui est coincé parce qu'il n'a plus le temps de prendre un sandwich dans sa journée actuellement avec tout ce qui se passe à Saint-Luc. Donc merci beaucoup. Vous nous excuserez auprès de votre épouse et merci d'être resté si longtemps. Voilà, quant à vous, vous avez un food truck devant. On a même poussé le luxe jusqu'à changer de food truck ce matin et ce soir. Et demain, c'est encore un autre. Donc comme ça, vous aurez plusieurs saveurs différentes. Bon appétit. Je vais peut-être m'asseoir après. Je vais vous avouer que je travaille... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de partout dans le monde qui émergent et qui se regroupent. Je ne peux pas encore vous donner les dessous, mais enfin, il y a quand même des actions qui se préparent. Au niveau international, il y a de plus en plus de gens, je dirais, avec vraiment des grandes compétences à la fois, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du droit, partout, qui se rassemblent et vraiment au niveau international et qui ont décidé d'agir ensemble. Et bon, voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a des petits groupes qui se forment. Et puis les groupes se rencontrent, et puis on rencontre les mêmes personnes dans différents groupes, etc. Donc voilà, maintenant, je pense que ça va quand même prendre un peu de temps, et puis rien ne se fera. Il n'y a rien d'organisé, on se retrouve, je dirais, en face de nous, avec des plans qui sont organisés, pensés, mis en œuvre étape par étape, dans ce que j'appellerais l'agenda global depuis... des années, et donc là, bah, tout à coup, il faut faire face, donc c'est un peu la bande des irréductibles gaulois, on va dire, face à l'organisation des légions. Enfin, voilà, donc si ça peut vous donner une petite note d'espoir, suivez bien tout ce qui se passe, on essayera, par rapport à Kennedy, dont on a parlé tout à l'heure, il y a énormément de choses qui bougent et qui sont visibles sur le site américain childrenshealthdefense.org. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, il y a des procès en justice qui se font, certains depuis un certain temps. Donc, par exemple, il y a déjà eu le grand procès contre Monsanto, et il y a beaucoup de gens qui ignorent que Robert Kennedy a été tout à fait impliqué dans les premiers les premières victoires contre Monsanto sur le Roundup. C'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs au Parlement européen quand il est venu en parler. Il y a des procès au niveau de la vaccination, notamment du Gardasil, donc contre Merck. Il y a des procès sur la 5G. Il y a des procès en ce moment sur Facebook, contre Facebook. Donc, puisque Facebook n'arrête pas de dire que ce sont des fausses informations, ou qu'elles sont soi-disant vérifiées par des fact-checkers indépendants qui n'ont absolument aucune légitimité. Donc voilà, on a aussi des procès contre Facebook. Il y a un procès, par exemple, contre un journal qui a accusé Robert Kennedy d'avoir rejoint des nazis à Berlin. Et donc, voilà, il aura intenté un procès aussi. Donc tout ça n'est pas encore répercuté, je dirais, au niveau européen, puisque les statuts de l'association européenne ont été publiés au moment où on était déjà à Berlin. Ça veut dire qu'on n'avait encore rien, pas de compte, pas d'email, pas de site web, pas de, etc. Donc tout ça prend un petit peu du temps. Mais l'objectif ici, c'est qu'en Europe, on puisse se regrouper, faire des actions ensemble, entre diverses associations. Il n'y a pas d'idée d'avoir une superstructure qui va tout diriger. Mais que différentes associations puissent s'organiser autour de différentes initiatives. Voilà, il y a un projet qui plaît à XYZ, eh ben, il y a 4 associations qui vont faire ceci. Il y a un autre projet qui plaît à d'autres associations, dans le même pays, dans différents pays, on y va aussi. On reste tous en réseau, on communique tous les uns les autres, je veux dire, ce qui est en train de se passer. Moi, ce que j'essaierai de faire, je dirais, et puis les gens qui vont me rejoindre aussi, avec Children's Health Defense Europe, c'est d'une part de donner une visibilité à toutes ces associations. Je pense à toutes ces actions. Je pense par exemple l'action Sophie Meulement, cette initiative citoyenne récemment sur la recommandation pour le vaccin de la grippe dans le cas du Covid. C'est une action qui a été portée par des médecins. Voilà, dès que j'aurai l'occasion, je vais essayer de faire traduire, etc., de manière à ce qu'on puisse donner une visibilité, que d'autres gens puissent les soutenir aussi, par exemple, financièrement, et puis qu'on puisse inspirer d'autres groupes de médecins, d'autres pays en Europe. Robert Kennedy a fait à peu près la même chose en Californie. Donc c'est intéressant de voir... Pardon ? Je comprends pas. Oui. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des actions similaires qui puissent se faire et se renforcer. Ça m'a interrompu du coup. Voilà. Mais donc, j'espère que ça va vous donner une note d'espoir. Bon, ça prend un petit peu de temps pour s'organiser par rapport à la vitesse de l'agenda. Je vais peut-être pas parler trop longtemps des agendas parce que j'ai envie de pouvoir discuter. Je sais pas combien de temps on dispose au niveau de la discussion, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Oui, ok. Je vais vous lire un petit texte. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, moi, j'avais la quasi-certitude, je ne parie jamais, je joue jamais au loto. L'été dernier, en 2019, personnellement, j'avais la quasi-certitude qu'on aurait une grande déclaration de pandémie en hiver. Donc, je vous dirai pourquoi après. Je vais... Oui, oui. Là, ça va, non? Plus près? Plus loin? Non? Là, comme ça? Voilà. Je vais vous lire un petit texte, parce que j'en ai marre qu'on nous traite toujours de complotistes. Donc, tout ce qu'on dit, on appelle ça comme on veut, mais pour moi, l'agenda international, il existe. Il est partout en ligne pour ceux qui veulent bien se donner... la peine de le lire. Je ne sais pas pourquoi on n'en discute jamais sur les plateaux télévisés ni dans les assemblées parlementaires. Mais je trouve ça complètement fou. Voilà. Tout ça a été signé, programmé, organisé. Tout se déroule pour moi, en fait, selon un programme plus ou moins préétabli. Je vous lis un petit texte. Il y en a peut-être, bien sûr, qui le connaissent, mais voilà. Ça vous donnera une idée quand même. Donc c'est le scénario qui s'appelle Lockstep. Lockstep est un scénario qui raconte, mais au passé, mais des événements qui doivent se dérouler dans le futur. Donc, la pandémie que le monde attendait depuis des années a enfin frappé. Contrairement à la grippe H1N1 de 2009, cette nouvelle souche de grippe, provenant des oies sauvages, donc on est dans un scénario fictif, hein, écrit il y a quelques années, était extrêmement virulente et mortelle. Même les nations les mieux préparées à la pandémie ont été rapidement dépassées lorsque le virus s'est répandu dans le monde entier, infectant près de 20% de la population mondiale, tuant 8 millions de personnes en 7 mois, dont une majorité de jeunes adultes en bonne santé. Bon. La pandémie a aussi eu un effet mortel sur les économies. La mobilité internationale des personnes et des biens s'est arrêtée. Ça affaiblit les industries comme le tourisme, brisé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Même les magasins, les immeubles de bureaux sont restés vides pendant des mois. Intéressant. La politique initiale des États-Unis, consistant à décourager fortement les citoyens de prendre l'avion, s'est avérée mortelle par sa clémence, accélérant la propagation du virus, non seulement aux États-Unis, mais au-delà de ses frontières. Cependant, quelques pays ont obtenu de meilleurs résultats, notamment la Chine. L'imposition et l'application rapide par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire pour tous les citoyens, ainsi que la fermeture instantanée et hermétique de toutes les frontières, ont permis de sauver des millions de vies, d'arrêter la propagation du virus plutôt que dans d'autres pays et de permettre une reprise plus rapide. Le gouvernement chinois n'est pas le seul à avoir pris des mesures extrêmes. Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont montré leur autorité et imposé des règles et des restrictions allant du port du masque obligatoire à la vérification de la température corporelle à l'entrée des espaces communs, comme les gares et les supermarchés. C'est ici que ça devient intéressant. Même après l'atténuation de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaire des citoyens et de leurs activités se sont maintenus et même intensifiés, afin de se protéger contre la propagation de problèmes de plus en plus globaux, attention les problèmes globaux, des pandémies, du terrorisme transnational, aux crises environnementales et à l'augmentation de la pauvreté. Les dirigeants du monde entier ont pris le pouvoir plus fermement. Au début, la notion d'un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approuvée. Les citoyens ont renoncé à une partie de leur souveraineté et de leur vie privée en faveur d'une plus grande sécurité. Ils étaient plus tolérants et même désireux d'une direction et d'un contrôle du haut vers le bas. Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de nombreuses formes. Identification biométrique de tous les citoyens, par exemple, réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée vitale. Ça ressemble quand même un petit peu au scénario qu'on a vécu ces temps-ci. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte a été écrit avec un titre dans le cadre de scénario pour le futur de la technologie et du développement international. Donc ce n'est pas un texte qui intervient dans le cadre de la gestion de la santé, mais quels sont les scénarios possibles pour aller vers l'imposition d'un futur technologique. Il a été écrit en 2010 par la Fondation Rockefeller. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent tout ça. Voilà, donc il ne faut pas dire que les scénarios n'existent pas. Maintenant, moi personnellement, je suis l'agenda global de la santé, l'agenda sanitaire, donc le Global Health Security Agenda, dont la première réunion s'est tenue en 2014 à la Maison Blanche, rassemblant des ministres de la santé de différents gouvernements, une trentaine de pays, 40 pays environ. Maintenant, je pense que c'est 65 pays, de plus en plus, ainsi que les départements de la Défense. Et l'objectif de cet agenda de la santé globale, un de ses volets, était très clairement annoncé, la vaccination généralisée partout dans le monde, donc tout autour de la planète, donc mondiale à tous les âges, tout au long de la vie, et de manière évidemment plus ou moins obligatoire. Donc comment faire pour obtenir la vaccination obligatoire, sachant que dans de nombreux pays, notamment dans ce qu'on a appelé les démocraties de l'Europe de l'Ouest, c'était contraire au principe, au droit individuel, au droit garanti par la Constitution. Bien, pour passer au-delà de la Constitution, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'état d'urgence. Et donc ce plan de sécurité sanitaire, je ne vous apprends pas grand-chose pour beaucoup d'entre vous, mais donc avait dans ces 10 points clés la vaccination obligatoire, en commençant par notamment la rougeole, 95% de vaccination, de couverture de vaccination pour la rougeole sur toute la planète. Point essentiel, le renforcement du leadership national et international, la surveillance en temps réel des individus, et donc on est passé de la détection, ce qu'on appelait des épidémies, où on attendait qu'un signal se fasse, entre guillemets, où on dise, tiens, voilà, il y a une maladie qui apparaît, à telle, ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, et on passe de la surveillance épidémiologique à la surveillance en temps réel de chaque citoyen, hein. Bon, maintenant, c'est par l'agenda, le passeport de santé obligatoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été annoncé, qui a été financé sous Obama, l'administration Obama, qui a été financé 3 jours avant l'élection de Trump par la fondation Bill et Melinda Gates, et par le gouvernement américain sous Obama, sachant que Trump n'allait pas voter ce texte, ou en tout cas, il poserait quelques difficultés. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis pour Trump ou que je ne vois pas comme le sauveur universel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà un grand enjeu dont on n'a pas du tout entendu parler ici en Europe. C'était un enjeu majeur dans les élections précédentes. Sachant que Trump avait d'ailleurs aussi un enfant, on va dire, sur le trouble autistique, sur le spectre autistique, dont on pense qu'il a eu des complications vaccinales. En tout cas, à plusieurs reprises, il avait lui-même déclaré avoir observé personnellement des dommages vaccinaux et s'était prononcé en faveur de l'instauration d'une commission d'enquête sur la sûreté des vaccins. Cette commission d'enquête, donc voilà ce qui s'est passé. Dès qu'il a été élu, il a promis cette commission, est arrivé à la Maison-Blanche, et là, il a reçu la visite de Bill Gates, qui lui a dit, mon ami, tu peux oublier ça, il n'en est pas question. Donc voilà, la commission d'enquête devait être menée par Robert Kennedy. Elle n'a jamais vu le jour, et je ne pense pas qu'elle verra le jour. Donc voilà, sachant que c'était un grand enjeu et depuis lors, on a eu les 4 années qui ont suivi aux États-Unis. Je pense qu'on, malheureusement, en Europe, on a une fâcheuse tendance à ne pas prendre en compte l'influence de la politique américaine, qui est toujours très très réelle chez nous. Et donc, on a vu les 4 dernières années aux États-Unis, chaque État proposer des débats pour ou contre des obligations vaccinales. Maintenant, on est arrivé à une situation, évidemment, je savais que pourquoi en hiver, pourquoi l'hiver dernier, parce qu'il y aurait le début de la campagne électorale américaine. Un facteur, le deuxième facteur très important, bien sûr, le facteur économique, la crise économique. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus, on fait semblant, on a un peu oublié là, mais rappelons-nous qu'en octobre, on va dire que les banques étaient en faillite, on avait des taux d'intérêt négatifs, donc on était vraiment dans une situation complètement folle. Et en général, à ce moment-là, il y a un crack. Donc soit il y a une guerre, et alors voilà, tout ferme, c'est la catastrophe, etc. Et puis on dit c'est la faute à la guerre, maintenant c'est la faute au virus. Donc le virus, il a bon dos pour expliquer le crack économique qu'on est en train de provoquer et qui est là pour nous mener à la fin des monnaies. J'ai un très très beau rapport ici, quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Catherine Austin Fitz, qui est une dame qui avait mappé tout l'argent noir, le fonctionnement de l'argent noir au niveau de l'État américain, donc qui, encore 5 minutes, qui vont environ 21 trillions de dollars. Donc ça, ces facteurs-là, je pense que, pour moi, ils expliquaient, alors bien sûr, il y a eu tout ce qui a été expliqué dans le Forum économique mondial, donc à chaque fois, et donc ce qu'on appelle les forums de Davos, les sommets G7, G8, etc., à chaque fois, on a financé des plans de vaccination, la préparation à la pandémie. On n'a pas arrêté de financer des plans de préparation à la pandémie. Et puis, on a vu l'event 201 au mois d'octobre, où là, il y a eu une sorte de répétition, on va dire, avec les acteurs de l'agenda global. La fondation Bill et Melinda Gates et leurs partenaires, je dirais, de l'Organisation mondiale, ont, pour moi, financé, on sait qu'ils ont financé tout ce qui a concouru à annoncer la pandémie, les instituts, l'Imperial College, Neil Ferguson, etc., l'équivalent à l'IHME aux États-Unis, et ils en financent également aujourd'hui, je dirais, toutes les réponses possibles. Donc voilà, on peut aller voir tous ces plans en ligne, il suffit d'aller sur le GHSA, Global Health Security Agenda, sur le Forum économique mondial, etc., et vous allez voir tous les plans. Et pour moi, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la vaccination est utilisée comme étant... Il y a la vaccination, et Chloé va en parler tout à l'heure, je pense qu'on attend Chloé Framry, donc elle va vraiment vous expliquer comment tous ces éléments, la 5G, le tracking. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, premier, ça va être la vaccination et surtout le tracking. Parce que la vaccination, ils ne vont pas arriver à vacciner tout le monde du premier coup, mais il y aura le tracking, et ça va être l'outil principal que les États-Unis et nos gouvernements se sont accordés à instaurer. Et il faut voir que tous les plans qui sont là, ils sont quand même chaque fois financés par les... Donc d'un côté, on a un crack de l'économie mondiale. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire un thème là-dessus aussi. Mais... Donc on met toutes nos économies à plat, et puis on va nous faire des grands investissements, des grands prêts par le FMI, mais qui sont chaque fois conditionnés à la mise en place de la quatrième révolution industrielle, on va dire l'humanité digitale, voire transhumaniste, puisque je pense qu'avec ce qu'on est en train de faire en fast-tracking au niveau de la vaccination, notamment les vaccins Covid, dans lesquels on a, pour lesquels le Parlement européen, par exemple, en Europe, a complètement a décidé de mettre sur le côté, de bypasser, si on veut dire, la législation OGM, et donc a donné un blanc-seing pour l'accélération de la mise sur le marché des vaccins en disant on n'a plus besoin de regarder telle législation, va permettre l'introduction de nouvelles technologies dont, je pense, certaines vont nous précipiter, pourrait nous précipiter, si pas là dans l'immédiat, prochainement dans une société transhumaniste. Voilà, vous pouvez voir là-dessus Yaël Harari qui a écrit Homo. Qui peut me le rappeler? C'est pas Homo sapiens. Voilà, c'est ça. Voilà, on passera le micro si vous, est-ce que je veux bien qu'on ait des discussions. Mais donc, qui déclare très récemment que pour lui, la pandémie, c'est aujourd'hui, ça marque vraiment le début du passage à la société transhumaniste. Et donc, il faut savoir que tous les gens, par exemple, qui sont derrière les vaccins candidats qui sont les plus soutenus, c'est-à-dire les vaccins ARN, ADN, donc tous les vaccins, entre guillemets, à technologie génétique, d'abord, ce sont avec des nouvelles technologies qui sont notamment financées et développées par DARPA, donc, qui est le volet de recherche militaire aux États-Unis. Ce sont des contrats secrets et qui visent là à faire une sorte de piratage, de hacking de notre système génétique. Donc l'idée, c'est d'introduire, c'est plus le vaccin normal, où il s'agit simplement d'une façon ou d'une autre d'envoyer un antigène contre lequel le corps va développer sa propre réponse immunitaire, mais d'envoyer des messages ARN, donc du matériel génétique que l'on va faire pénétrer directement à l'intérieur des cellules pour, prendre le contrôle, programmer la cellule et lui dire voilà ce que vous devez produire. Donc une forme de piratage, pour moi, de notre fonctionnement génétique. Et ces messages ARN seront eux-mêmes véhiculés par des nanoparticules, lesquelles on n'a jamais utilisé ça, et dont on ne sait pas du tout ce qu'elles peuvent contenir. Donc même si aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas dit que dans 3 mois, on arrive à des humains qu'on peut transformer à volonté par ces technologies, le fait de contourner tous ces garde-fous législatifs ouvre la porte à des dérives dans un futur très proche. Voilà. Merci Senta, on applaudit bien fort. Nous aurons encore l'occasion de poser des questions à Senta tout à l'heure. Nous allons donc maintenant avoir l'intervenante suivante, Marie-Laure Béraud, qui va nous parler surtout de la 5G. Alors ceux qui sont absolument contre, ils ont encore le temps de sortir. Non, ceux qui sont contre vont rester en fait, puisqu'on n'est pas vraiment pour tous. Mais c'est très, très, très peu connu, la 5G. Il y a des gens qui disent, mais non, ça ne vibre pas, les ondes, on n'y comprend rien. Moi, dans un micro-ondes, vous n'y pensez pas. Enfin bon. Et puis, il y en a d'autres qui voient l'aspect plutôt tracing qui a été mentionné, qui est probablement aussi grave, si pas plus, à savoir, est-ce qu'on veut vraiment, par le jeu des tests, arriver dans un système où on est connu partout, localisé partout, même si on jette son téléphone à la poubelle, parce qu'il y aura encore les téléphones des autres. C'est de ça dont on doit se méfier aussi. C'est vraiment une prise en main de toute l'humanité. C'est une suppression de démocratie assez invraisemblable. Donc, il faut voir si on veut aller vers un nouveau capitalisme ou libéralisme à la russe ou à la chinoise, avec la mauvaise santé en plus. Et la 5G est un instrument très important dans ce domaine-là aussi. Enfin, c'est mon idée. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais je crois que par ici, il y en a quelques-uns qui la partagent. À vous, Marie-Laure. Bonjour. Alors, pour me présenter en bref, au moment du confinement, enfin au début du confinement, c'est-à-dire au mois de mars, je voyais passer partout Proximus 5G, Proximus 5G. Et je me suis dit, tiens. Donc je suis allée voir tout ça et suite à ça, j'ai décidé, trouvant inadmissible qu'un tel processus se mette en marche au moment où tout le monde est bâillonné, je me suis dit, je vais lancer une pétition. Ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé une pétition sur change.org qui au bout de 2-3 jours avait 30 000 signatures et finalement on a atteint les 105 000 signatures. Il y a peut-être des gens d'ailleurs d'entre vous qui ont signé cette pétition. Et donc soudain cette pétition a été supprimée. Voilà. Avec un message très très succinct que j'ai pas très bien compris. Et alors il se trouve que j'ai rencontré un avocat qui lui est complètement anti-5G, qui a pris l'affaire en main. Donc il nous défend, les signataires et moi-même, gratuitement. Donc voilà, on a dû juste nous payer un petit truc pour le greffe. Donc c'est en route. On a été chez les flics, on a fait toute la liste, etc. Parce qu'il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'il y a des gens qui ont versé de l'argent. Et que, où est cet argent? Ils vous disent pour booster la pétition, etc., etc. Mais bon, voilà. Enfin bon, ça c'était pour, juste pour l'introduction. Donc, moi je vais surtout m'attacher aux ondes en elles-mêmes, c'est-à-dire à leurs dégâts sur la santé. Donc je vais devoir vous lire un peu des choses, je vais... Voilà. Mais d'abord, je voulais commencer, oui, par un truc assez surprenant, c'est Orange. Donc, il y a une branche des salariés d'Orange qui a décidé d'écrire contre la 5G, ce qui est quand même assez étrange et paradoxal. Et donc, en bref, parce que c'était trop long, je vous lis juste un petit truc. Donc, les conditions d'extraction des métaux rares et leurs conséquences environnementales font polémique, rejet de déchets toxiques, pollution des nappes phréatiques, manque de protection des ouvriers, atteinte à la fertilité des sols, déforestation, enfin tout ce qu'on sait. Un des arguments massus pour la 5G, c'est cette histoire de chirurgie à distance, de médecine à distance. Et donc, il y a un truc assez marrant, cité par Orange, enfin par ces gens. Si la technologie peut sauver des vies humaines, il convient d'en donner un cadre réaliste. La mise en pratique de la téléchirurgie est par nature circonscrite. Entendons par là qu'un médecin ne va pas opérer depuis un restaurant un patient égaré dans la campagne. Une opération de téléchirurgie nécessitera des investissements en robotisation, hors d'atteinte pour une structure hospitalière, locale, même moderne. On voit déjà dans quel état se trouve l'hôpital, donc on peut imaginer que là on est vraiment dans un fantasme. Enfin bref, donc ça c'est un argument qui fait sérieux, donc voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que sinon c'est pour pouvoir dans la rue télécharger un film, jouer en ligne, enfin toutes ces conneries dont on n'a absolument pas besoin. On est déjà arrivé assez loin comme ça avec la 4G. Donc, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est vraiment par rapport aux ondes en elles-mêmes. Donc au niveau de la catastrophe sanitaire, donc dans les champs électromagnétiques, nous avons différentes catégories, les basses fréquences qui sont pour l'électricité dans nos maisons, les radiofréquences, les micro-ondes comme les GSM, le Wi-Fi, le four, etc. Les hautes fréquences comme les rayons X et ultraviolets, ces rayons sont ionisants, contrairement aux autres catégories qui sont non ionisantes. Donc, depuis qu'il y a le courant alternatif et des lignes haute tension, il y a des problèmes de santé qui sont apparus. En fait, depuis très longtemps déjà, simplement via l'électricité artificielle. Donc, très rapidement, les scientifiques ont admis que les ondes ionisantes étaient mauvaises pour la santé. Assez rapidement aussi, déjà dans les années 80-90, il était généralement admis que les rayons non ionisants pouvaient être mauvais pour la santé si on était exposé de manière trop longue et que cela faisait chauffer les tissus. En 87, Rebecca Goodman, une scientifique, découvrait que les rayons non ionisants pouvaient perturber le bon fonctionnement de nos cellules par rapport à leur capacité à stimulation de la synthèse des protéines, une fonction fondamentale du fonctionnement du corps. Entre 1994 et 1998, deux professeurs de l'Université de Washington ont fait une étude importante sur les champs électromagnétiques et ont découvert que les champs électromagnétiques, même en très faible quantité, abîmaient l'ADN de nos cellules. Enfin bon, alors, après, il s'agit de chiffres. Alors, voilà. Alors, pour rassurer tout le monde, l'OMS s'est appuyée sur une étude qui a exposé un mannequin inerte pendant 30 minutes et en tenant compte uniquement de la température qui montait. Ils ont estimé que le niveau acceptable d'exposition pour les humains était de 41,2 volts par mètre. C'est équivalent à 480 microwatts au centimètre carré. Enfin bref, soit 48 000 fois supérieur au minimum que prône le monde scientifique indépendant. Nos politiques ont fait la sourde oreille et c'est seulement en 2007 qu'une...